au tombeau des samouraïs de Pierre Loti. C'est ici que la tête a été lavée, ni trempée ni vos pieds ni vos mains. Cela est écrit au pinceau, à l'encre, sur une planchette de bois blanc, au bord de la plus fraîche et de la plus délicieuse des petites fontaines, sous de grands arbres, à mi-hauteur d'une colline ombreuse qui regarde au loin la baie d'Yodo. Jamais inscription plus lugubre ne fut posée à une place plus charmante. Cette eau, où il ne faut tremper ni ses pieds ni ses mains, est limpide, dans un bassin de vieilles pierres, sur des mousses aquatiques fraîches et exquises, admirablement vertes. À côté de la fontaine défendue, il y a des arbres nains au feuillage délicat d'un vert aussi beau que celui des mousses, et un grand camélia sauvage qui étale à profusion ses fleurs simples, semblables à des églantines roses. C'est un lieu paisible et à l'écart des bruits de la vie. Toute la colline est remplie de sépultures antiques et de pagodes cachées sous les arbres. Aux senteurs des plantes se mêle un religieux parfum d'encens, dont le plein air est constamment imprégné comme serait l'air d'un temple. L'écriteau ne dit pas quelle est cette tête coupée qu'on est venu laver dans cette eau claire. Il dit seulement la tête. Mais tous les passants le savent, en ce pays où l'on a dans le peuple le culte des légendes et des morts, inutile de préciser davantage. Et moi aussi, du reste, bien qu'étranger, je le sais. Étant enfant, j'avais lu autrefois, en un manuscrit rare, cette histoire des 47 fidèles samouraïs, me passionnant pour ces héros chevaleresques. Comme je lisais très peu, cela m'avait tout particulièrement frappé et je m'étais promis que, si le hasard m'amenait jamais au Japon, je viendrais rendre hommage à leur tombeau. Précisément, j'avais fait cette lecture par des journées de novembre belles et calmes comme celles d'aujourd'hui. Cette coïncidence d'une saison et d'un temps pareil rend plus complète l'association de mes petites idées d'autrefois, revenu avec mes impressions d'aujourd'hui. C'est curieux même comme je m'étais représenté ce lieu, qui me semblait alors lointain, lointain presque imaginaire. J'avais prévu jusqu'à ces arbustes nains et ces camélias sauvages fleuris alentour. C'est ici que la tête a été lavée. La tête du méchant prince Kotsuke, coupée par les bons samouraïs, avec les formes les plus polies, avec toutes sortes d'excuses préalables, puis lavée dans l'eau de cette fontaine et apportée pieusement sous la tombe d'Akao, le prince martyr. Aussi bien, je suis obligé de rappeler en quelques mots cette histoire, sans cela on ne me comprendrait pas. Vers 1630, le courtisan Kotsuke, après avoir insulté le prince Akao et refusé de lui rendre raison, réussit par la perfidie à obtenir de l'empereur un jugement inique le condamnant à mort avec confiscation de tous ses biens. Alors, 47 gentilshommes, vassaux fidèles et amis du supplicié, se jurèrent de venger l'honneur de leur maître au prix de leur propre vie. Après avoir abandonné femme et enfants, tout ce qu'ils avaient de cher au monde, ils poursuivirent la réalisation de leur difficile projet avec un entêtement sublime, guettant l'heure favorable dans le mystère le plus profond pendant près de 20 années, jusqu'à ce qu'enfin, une nuit d'hiver, ils vinrent surprendre et égorger dans son palais ce Kotsuke dont les longues méfiances s'étaient peu à peu endormies et qui ne s'entourait plus que d'un petit nombre de gardes. La vengeance accomplie, la tête du perfide déposée sur le tombeau d'Akao, ils allèrent eux-mêmes se livrer au juge. On les condamna à s'ouvrir le ventre, ils s'y attendaient, et après s'être embrassés, ils firent cela tous ensemble sur les marches d'une pagode près du tombeau de leur cher seigneur. Elle est ici, cette pagode, à quelques pas de la fontaine délicieuse, une vieille petite pagode d'un rouge sombre en bois de cèdre vermoulu. On y arrive par une triste avenue où poussent des herbes. Sur ces marches, lavées par les pluies de près de 300 hivers, on ne voit plus de traces de tant de sang qui a coulé. On a peine à se représenter la boucherie horrible, le râle de ces 47 hommes, la nuque à moitié coupée, le ventre ouvert, les entrailles dehors, se tordant ensemble dans une grande mare rouge. Ils eurent leur récompense après leur mort, ces fidèles, car un empereur suivant les déclara saints et martyrs et fit mettre sur leur tombe certains feuillages d'or, emblème du suprême honneur. Le Japon tout entier les vénère encore aujourd'hui d'un culte enthousiaste. Leur nom est partout. On l'apprend de bonne heure aux petits-enfants et on le chante dans les grands poèmes. Le joli sentier vert qui conduit à la fontaine se prolonge au-delà, monte un peu plus haut par une pente très douce. En poursuivant, on trouve d'abord la maisonnette du Bonze préposée aux soins des sépultures de ses héros et à l'entretien de leurs fleurs. Je frappe à sa porte, et il m'apparaît, ce vieux. Il a une étrange figure de gardien de tombeau, maigre, fine, ascétique et rusé à la fois. Il est grand et mince, ce qui au Japon est très rare. Un bonnet noir agrafé sous le menton, comme celui dont se coiffait jadis, dans notre Occident, le seigneur Méphistophélès, lui enveloppe la tête, les cheveux, les oreilles, ne laissant paraître que le masque encadré du visage, et ce bonnet a même, de chaque côté du front, deux espèces de protubérances inquiétantes qui semblent des étuis ménagés dans l'étoffe pour mettre les cornes. Il vend des livres où l'histoire des 47 samouraïs est racontée dans ses naïfs et sublimes détails, avec beaucoup d'images à l'appui. La maison est à moitié remplie par des paquets de ses baguettes d'encens, dont il fait aussi commerce avec les pèlerins, et que l'on brûle ici tous les jours depuis tantôt 3 siècles. Les sépultures auxquelles il me mène occupent à mi-côte une sorte d'esplanade carrée, d'où la vue plonge sur tout un pays boisé, tranquille, avec la mer à l'extrême lointain. L'esplanade est entourée d'une modeste barrière de planches et d'une bordure de grands arbres funéraires, droits et rigides, élancés en colonnes de temple. Sur les 4 faces de ce quadrilatère, les tombeaux sont alignés, environ 12 par 12, regardant tous le milieu, qui est une petite place vide, couverte d'une herbe rase et comme saupoudrée de cendres d'encens. 47 pierres debout, semblables, restées brutes comme des menhirs de granit, portant chacune le nom du samouraï qui dort en dessous et marquées toutes du signe spécial Harakiri, lequel veut dire que ces hommes sont morts à la terrifiante manière des gens d'honneur, en s'ouvrant le ventre avec leur propre poignard. À 2 angles du carré sinistre s'élèvent des pierres plus hautes, celle du prince d'Akao et celle de la princesse son épouse. Tout à côté du prince, sous une très petite tombe, on a enterré un enfant, son Musko-san, comme l'appelle le vieux gardien à serre-tête noire. Et cette expression de Musko-san me fait sourire, malgré le recueillement du lieu. Ce Muska qui signifie tout petit garçon, accouplé par excès de déférence à cette particule honorifique, san. Comme si, chez nous, on disait avec gravité et conviction, c'est ici, à côté du prince, que repose monsieur son bébé. Mais tout ce qui touche à cette histoire est pour les Japonais tellement sain et vénérable qu'on en saurait parler avec des formes trop respectueuses. Devant chacune de ces pierres, il y a de beaux bouquets, des fleurs toutes fraîches, évidemment cueillies ce matin même. Il y a aussi des petits tas de choses grisâtres, des restes de baguettes d'encens, dont le vent promène les cendres odorantes sur l'herbe triste d'alentour. Et c'est comme cela, sans relâche, depuis l'an 1702, et ce sera sans doute ainsi pendant bien des années encore, car le bouleversement moderne, qui au Japon emporte tant de choses, semble n'avoir pas de prise sur le culte du peuple pour les morts. La fille d'un des samouraïs, qui était prêtresse, a obtenu d'être mise là, elle aussi, à côté de son père, et cela fait, en dehors de l'alignement, une tombe de plus. Elle a, du reste, ses fleurs comme les autres, cette mousmée, ses fleurs et son encens, sa part de souvenirs et de vénération. Une étonnante quantité de petites bandes de papier, blanches ou rouges, portant des noms écrits, sont collées sur les pierres tombales ou jetées dans l'herbe à leurs pieds. Ce sont les noms des pèlerins qui, journellement, viennent, de tous les coins de l'Empire, rendre hommage aux gentilshommes fidèles. Dans le nombre se trouvent même des vraies cartes de visite tout à fait modernes, gravées en caractères européens sur des bristoles mates ou glacées, et ce serait presque drôle, cet usage de déposer sa carte à la porte des morts qui ne peuvent recevoir, si ce n'était extrêmement touchant. Le vieux gardien maigre, adossé, la tête renversée, contre un des arbres de bordure, entreprend de me conter au long l'histoire des samouraïs, en une langue dont la plupart des mots malheureusement m'échappent. Mais je l'écoute sans ennui, tantôt le regardant avec l'idée obsédante d'ôter son bonnet pour voir s'il n'a pas de corne en dessous, tantôt promenant mes yeux sur le profond paysage calme, sur la colline parsemée de petites pagodes, de tombes, de buissons de camélias, sur toutes ces choses dont l'aspect n'a pas dû beaucoup changer depuis l'époque lointaine de l'Harakiri. Les arbres dénudés de l'enclos, tout droits, tout raides, comme des rangées de cierges gigantesques, agitent leurs têtes là-haut, secouée par un petit vent d'automne qui souffle plus fort dans les régions élevées de l'air. Et les cigales chantent partout, au soleil encore chaud de novembre. En vérité, ce lieu a une mélancolie bien particulière et bien grande. Et puis, cette histoire est si belle, pour qui la sait en détail, elle est si étonnante d'héroïsme, d'honneur exagéré, de fidélité surhumaine. Elle est inexplicable, comme une vieille énigme, quand on connaît les Japonais mièvres et dégénérés d'aujourd'hui. Elle évoque l'idée d'un grand passé noble et chevaleresque, et jette même, en ce moment pour moi, une ombre de respect sur ce Japon moderne que j'ai tant raillé. Je n'ai pas apporté de fleurs fraîches, moi, aux 47 héros qui dorment ici. Au contraire, je dérobe un chrysanthème au bouquet posé sur la tombe de leur chef et je l'emporte jusqu'en France, ce qui est d'ailleurs, sous une forme inverse, un égal hommage rendu à leur mémoire à tous. Ainsi s'achève, au tombeau des samouraïs, de Pierre Loti.